extraordinaire agilité de ce que c'est que de bouger son corps physique. On dit il y a un système nerveux, il y a ci, il y a ça, mais ça, c'est toutes des farces. Parce que la majorité des individus qui ne peuvent même pas contrôler des muscles, par exemple, pour faire des mouvements particuliers, bon, ils n'ont pas le contrôle de leurs muscles. Ils ont des contrôles mécaniques de leurs muscles. On a des muscles apparemment qui sont incontrôlables, comme le muscle cardiaque, alors que c'est un muscle strié. Les muscles du péristaltisme intestinal, bon, les muscles blancs. Pourtant, c'est contrôlé quelque part par notre système. Quand je demande souvent aux gens, on dépose son bras, puis là, je dis, concentre-toi, puis fais lever ta main, mais il n'y a personne qui est capable. Mais l'interpréteur actionnel, qui est une partie du corps vital, qui est en contact avec la psychologie, avec la pensée, puis avec les mécaniques de la programmation, donc ce qu'on a déjà, c'est capable de décoder la pensée, de la transformer en une impulsion nerveuse, faire bouger le corps. Quelqu'un qui contrôle ça fait bouger le verre, fait bouger le crayon, fait bouger la table, se déplace dans les airs, etc. La télékinésie, psychokinésie existe depuis longtemps. Ça fait partie de ce que l'humain rejette. Mais là, dans ce que vous percevez, dans ce que l'homme perçoit dans les autres plans, qu'est-ce qui est rejeté sans arrêt? L'imaginaire. Tout ce qui est créé dans la matière ici, ça ici, ça a été imaginé et malmené, hein? C'est pas un accident. Pouf, il t'est apparu un verre avec de quoi d'écrit dessus. C'est pas un accident, de l'imagination. L'être humain a la capacité de voir dans le temps, il appellera ça la mémoire. Il a la capacité de se rappeler de l'avenir, ça, il appelle ça de l'imagination, de la fiction. Et nécessairement, il va mélanger pour ajuster dans sa rationalisation, parce qu'il est manipulé, à ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il se refuse de voir ces choses-là. L'être humain a la capacité de décoder totalement son corps physique, savoir pourquoi il est malade, il ne s'écoute pas. Tous les corps, tous les sens qu'on a décodés ici, puis il y en a un paquet d'autres, c'est exactement comme un œil. Alors, on a 5 sens physiques et on a plusieurs centaines de sens sur les autres plans. Et quand un être humain se refuse, ce qui est intéressant, ce que j'aimerais que les gens comprennent dans cette conférence, c'est de rester totalement à l'écoute, mais à l'écoute, à être attentif, cesser de fermer les portes à toutes les perceptions sensorielles qu'on a. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas parce qu'on perçoit quelque chose ailleurs que par les sens physiques, que c'est faux ou que c'est plus vrai. Parce que pour du monde, ça va être de même. Du monde, à un moment donné, qui me rencontre et qui me dit, j'étais dans telle place, une vieille bâtisse, là, puis j'ai vu une espèce de fantôme dans la fenêtre, ça se peut-tu? Et là, tu sais... Mais tout se peut. Tu l'as-tu vu? Ben oui, mais ça se peut! Ben, hein. Ben, c'est ça, il y a aussi de ne pas se faire avoir, là. Et là, la personne me dit, oui, mais... C'était quoi? C'est quelle affaire? Je marche dans le désert et subitement je vois une oasis. Alors je me mets à courir avec un peu de force et d'eau qui me reste. Puis quand j'arrive à l'oasis s'est poussé de 50 000. Et là on appelle ça un miracle. Suis-je fou? Là on va dire non, t'es pas fou. Parce qu'on peut expliquer maintenant, scientifiquement, de quelle façon l'image d'un oasis peut être réfléchie par l'atmosphère ailleurs et tu vas le voir. Bon, si à travers le temps, à un moment donné, je me promène, comme ça m'est arrivé avec ma femme au Guatemala, à un moment donné, on a senti du souffle, on a senti de la fumée, et au loin, on a vu qu'il y avait un volcan qui était en train d'éclater. Très loin. Mais quand on a demandé aux gens, une demi-heure, une heure après, de venir voir le volcan, c'était beau, il n'y avait pas de volcan, il n'y avait jamais eu de volcan, c'est une plaine. Puis d'ailleurs, c'est un mois qu'on était là, on n'avait jamais vu de montagne, mais là, il y avait une montagne. On se peignait pas. Mais ça pousse, ça, des montagnes. Ça pousse, mais ça va, mais ça pousse. C'est vrai. À cette vitesse-là, par contre. Mais là, ce qui est intéressant, simplement, c'est qu'il y avait un mirage. On n'a pas vu un volcan ailleurs parce que les conditions atmosphériques ne se prêtent pas au mirage visuel. On a vu un volcan éclater ailleurs dans le temps. C'est un mirage. Parce que, présentement, l'humain, dans sa rationalisation limitée par la manipulation de sa pensée, ne peut pas expliquer la mécanique. Je pourrais l'expliquer, là, mais même là. Vous vous donnez une recette si vous ne connaissez pas les ingrédients. La recette ne vous servira à rien. L'humain va donc rejeter ce qu'il a vu. Ce qu'il faut que vous compreniez, Daniel Kim, il a accès à de l'information supplémentale, il a accès à de l'information instantanée, il a accès à de l'information qui provient de ce qui se passe, de ce qui va se passer, puis de ce qui s'est passé. Mais tous les êtres humains ont des sens. Donc, ils ont des sondeurs, des sondes, des scruteurs, des capteurs pour fouiller dans ces mondes-là. Moi, je marche quelque part et je vois un truc, une espèce de gros bang Dunkin' Donuts, et qui s'en vient lentement, là, tout plein de caramel. Puis là, j'ai l'impression qu'il va venir m'étouffer. Et je me dis pas, crime, dans quel monde vois-je? Ce que je me dis simplement que là, je vois dans l'astral. Puis le gros problème, c'est qu'il faut que vous compreniez ce que c'est le monde astral. Le monde astral, c'est ceci. Est-ce qu'il faut avoir du discernement? Oui, mais avant de discerner, c'est bien, mais tu sais pas c'est quoi? Oxygène, O2, carbone, bon. La majorité des molécules de carbone vont être associées à l'oxygène. CO, monoxyde, CO2. On a aussi l'oxygène O3, qui est l'ozone. On a du carbone relié avec d'autres matières. L'humain est constitué en majorité de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote. Bon. La majorité, énergétiquement au niveau atomique, les molécules d'oxygène et de carbone sont de grandes fixatrices de mémoire. Une bande magnétique, quand on écoute une cassette, là, vous avez déjà pris une cassette de conférence? Vous n'en avez jamais pris, là? Il n'en avance. Ah non, c'est... Faut faire l'exercice, là, vous dites ça, là. Mais, prenez une cassette, il y a une heure là-dessus. Il y a une heure, instantanément, là. Hein? Et que mettez-la sur les oreilles, vous allez entendre de quoi? Les petits rouleaux là-dedans qui se frappent, là. Et vous n'entendrez pas le discours. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas le bon sens. Alors l'humain va inventer un sens matériel, l'humain est handicapé là-dedans, un lecteur de cassette, il met la cassette là-dedans, et la cassette, elle, le lecteur, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le 60 minutes instantanément là, et il va le replacer dans un déroulement temporel d'une heure, pour qu'un autre sens soit capable d'être en affinité avec ce qui se passe là, puis de dire, tiens, là, j'ai tout compris. Enfin, j'ai au moins entendu. Bon. On va fixer magnétiquement la mémoire orale ou visuelle sur les bandes vidéo sur un ruban. Les molécules de carbone et d'oxygène fixent aussi la mémoire événementielle. La majorité de l'atmosphère planétaire est constituée de carbone et d'oxygène. Chaque fois que l'être humain inspire, il lit par des sens particuliers à son système pulmonaire, il va lire de l'information là-dessus. Donc, il va s'astraliser, c'est-à-dire qu'il va absorber de la pensée. Alors, celui qui a une bonne inspiration va avoir accès à des molécules de carbone et d'oxygène qu'il va décoder selon une autre utilité. Parce que les molécules de carbone et d'oxygène sur cette planète sont limitées. Il y en a un nombre limité. La majorité du carbone et d'oxygène est fixée dans la matière et il y en a dans l'atmosphère. Ça veut dire que chaque molécule d'oxygène que vous respirez actuellement contient mon énergie, l'énergie de la voisine puis du voisin, l'énergie de Gengis Khan, parce qu'il a probablement déjà respiré. Ça prend 100, 120 années pour qu'une molécule, finalement, pour que le volume d'air d'un individu soit réparpillé sur le plan planétaire. Donc, on respire et là, il y a l'air d'Adolf Hitler, ouais. L'air de Jésus. On respire de l'atmosphère qui a déjà été respirée par ces poumons-là. Et nécessairement, on a accès. Si le sens que tu as décode, par exemple, vous avez sur une bande magnétique du son et de l'image, mais votre décodeur ne lit que le son, vous ne verrez rien. Un autre individu, lui, quand il respire la bande magnétique, son décodeur ne lit que l'image, il n'entend rien. Il y en a un qui est clairaudient, il y en a un qui est clairvoyant. L'autre, lui, il décode le son et l'image. Lui, il va être un génie, il va l'inspiration, indépendamment de ce qu'il pense. Ce qu'il faut comprendre, donc, c'est que l'astral, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange complet et complexe de toute l'information qui a été vécue par tout ce qui existe, puisqu'il est présent, ou a été présent, ou sera présent, dans la structure planétaire. Donc, l'être humain, lui, qui par un lecteur complexe, va engendrer de la pensée. Lui, il respire ce qui se passe par là, il va décoder à différents niveaux. Un jour, vous voyez quelqu'un d'une autre ethnie, puis vous la trouvez belle, cette personne-là. Trois jours après, vous voyez la même personne ou une autre personne, mais de la même ethnie, puis là, vous êtes raciste. Pourquoi? Parce que dans l'air, il y a déjà les vibrations d'amour, de haine, de rejet, de racisme, de tout ça au complet. Mais dépendamment de votre taux vibratoire corporel et vital, vous allez décoder une autre longueur d'onde sur les mêmes molécules de l'air ambiant. C'est ce qu'on va dire si on entre dans une salle, on va dire ben l'atmosphère était lourde ou l'atmosphère était à la bataille ou à la paix. On mentionne même, on ne s'écoute même pas parler parce que dans les termes qu'on utilise, on dit ça. Oui. On dit j'ai senti l'atmosphère qui était comme ça ou j'ai perçu, donc c'est parce qu'on perçoit avec d'autres choses que... J'ai perçu une vibration ou j'ai perçu une information. Tu vas sur un champ de bataille ou tu vas sur les lieux d'un meurtre, mais va sur un champ de bataille ou sur les lieux d'un écrasement d'avion. Fais juste rester là puis percevoir. Tu vas percevoir des cris, de l'horreur, tu vas percevoir un paquet de choses. Il n'y a plus l'heure, ça, là. Tu respires, lève de l'air, de ce qui s'est passé. Bon. Puis là, je prends un exemple assez grand. Les individus qui vont là sont perturbés. Les sauveteurs vont pleurer. Oui, mais tu vois du monde décapité. J'ai été technicien médical d'urgence plusieurs années pour l'urgence santé ici. Un individu qui vit quelque chose, un paquet de monde, c'est bien pire. Pourquoi c'est pire? Il y en a 15. À l'échelle de la planète, là, il y en a quelques centaines de milliers par jour. Mais tu les vis pas toutes. L'atmosphère de ces souffrances-là n'est pas condensée. C'est moins dense. Pas condensée, c'est ça. Par exemple, vous voyez quelqu'un qui souffre. Il se met à crier. Là, ça va vous accrocher. Il rejette dans l'atmosphère sa souffrance. Vous respirez le même air, ça va vous accrocher. Sans compter juste la vibration de son cri qui va vous ramasser aussi par le centre vital. Donc, c'est important. Oui. C'est toujours le cerveau qui va décoder ça quand même. Au niveau de la respiration, au niveau de la pensée, oui. Mais là, le gros de la problématique, c'est que toute la structure astrale, puis bon, c'est au niveau du séminaire que je parle des mécaniques astrales, c'est un peu plus complexe, trop long à comprendre. Au niveau de l'astral, il y a énormément de scénarios fictifs qui sont implantés à travers les molécules. Bon. L'oxycarbomémoire, c'est une stratégie qui date de longtemps, où des êtres qui sont beaucoup plus peu, qui proviennent de l'avenir et qui sont la finalité normale, non naturelle, de ce que vous êtes, et eux ont, en tout cas, pour résumer brièvement, ont la capacité de condenser dans des blocs très très denses du carbone et de l'oxygène, et de libérer ça à travers le temps pour adoucir l'événementiel planétaire. Mais la problématique, c'est qu'il y a dans l'astral des mécaniques extrêmement puissantes qui font tout pour obliger l'humain à s'entretuer, à se déchirer, à chicaner, puis à ternir au maximum l'énergie de l'oxycarbomémoire, donc de la mémoire fixée sur le carbone et l'oxygène. Pourquoi? Uniquement pour empêcher l'humain de se réveiller. Essayez, là, je vous fais un parallèle qui est faux. Ça va te comprendre un peu. Nous sommes perdus sur une planète où existe, avant même notre arrivée, un immense animal qui, lui, se nourrit d'énergie émotive placée sur l'oxygène et le carbone. Une espèce de grosse baleine qui filtre à travers des immenses fanions les molécules de carbone et d'oxygène et qui ramasse de l'énergie émotive. Ça veut dire que l'être humain, lui, a un corps physique. Il a donc la capacité de toucher à l'oxygène et au carbone. Et parce que l'être humain, par contre, a une âme, il a la capacité de vivre de l'émotion et de la transmettre dans l'oxygène. Mais l'espèce de grosse bébite, elle s'arrange, elle, pour obliger l'astralité, donc le carbone. Elle rejette des scénarios là-dedans, des scénarios de religions différentes, d'ethnies différentes, de pouvoir, de peur, de haine, de paquet de choses et d'amour pour contrer. Et l'être humain qui respire ça, filtre ça aussi, vit à l'intérieur de différentes mécaniques, communique entre eux par la guerre, la haine, la paix, l'amour, etc. Et nécessairement rejette dans l'atmosphère sa propre énergie sous forme d'émotivité. Ça nourrit le monde astral. Mais là, ça nuit, ça. Ben, c'est-à-dire que l'astral s'arrange sans arrêt pour empêcher non seulement l'humain de ne plus lire d'une façon émotive l'énergie dans l'astral, donc le carbone et l'oxygène. Donc, l'astral s'arrange pour empêcher l'humain de se conscientiser. L'astral s'arrange pour empêcher l'humain de voir plus clair. Et la problématique, c'est que le sens le plus terni, c'est la pensée. La pensée, c'est uniquement vous voyez dans un monde, et ce que vous voyez, vous pensez que c'est ça que vous voulez. Et le gros problème, c'est que l'humain s'est totalement identifié à la pensée, parce que la pensée est, à l'intérieur du corps physique, le sens le plus performant. Donc, parce que c'est le sens le plus performant à l'intérieur du corps, plusieurs humains pensent qu'ils sont un corps. Bon, Mais il y en a qui pensent que c'est un char, tu sais. Fait qu'il y en a qui pensent que c'est un char. J'ai eu une crevaison hier. J'ai pas réussi à démarrer. J'ai manqué de garde. Je vais aller faire le prince et aller chercher de l'essence. Oh, hier, là, j'ai fait faire mon changement d'huile. Mais il y en a qui prennent pour un auto. Mais il y en a qui prennent pour un corps physique. Mais la majorité se prennent pour la pensée. C'est pas ça qu'on est. Alors oui, mais là, comment se fait que j'ai fait ça? Ça, c'est de la conscience, c'est de la lumière. Mais parce que c'est la pensée qui domine et qui dirige, ben nécessairement, tu fais ce que la pensée veut faire. Parce que c'est l'endroit, le sens le plus performant à l'intérieur du corps, l'être humain s'identifie sur la terre à la pensée. Et la pensée, étant totalement une structure manipulée, s'arrange pour fermer la porte à l'écoute des autres sens. Les autres sens sont là. L'humain ne les écoute plus. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un guide extraordinaire qui vient te voir. L'astral vient te voir. Puis l'astral te dit, je suis le Mahatma, Mish, machin chouette. Et je te dis que tu dois respirer maintenant par la narine gauche seulement. Puis là, tu vas arriver. Bon. La personne, elle croit à ça. Il y a un autre sens qui fait que tu vois l'entité. Puis l'entité, tu la vois par un paquet d'autres sens. Exactement comme je vois une molécule, par exemple, de carbone, mais je sais qu'elle est reliée à une molécule d'oxygène. Et je sais dans ma banque de mémoire que c'est du monoxyde de carbone. Et que si j'en respire, c'est mortel. Je vois, par exemple, du sodium, une molécule de sodium. Et je la vois reliée à une molécule de chlore. Et là, je sais très bien que si ça, j'en prends, aucun problème, j'en ai besoin. Mais là, je vois une molécule de sodium qui est libre. C'est un poison mortel. Je vois une molécule de chlore qui est libre. C'est un poison mortel. Je le sais. Sauf que l'humain n'a pas la capacité de voir avec tous ses sens. Il n'écoute pas tous ses sens. Donc, quand l'entité vient toute flatteuse, toute organisée au complet, avec un autre sens, tu décodes qu'elle n'est pas fiable. Avec un autre sens, tu décodes que c'est de l'astral et c'est là, maudit. Avec un autre sens, tu décodes que tout ce que ça veut, c'est de vampiriser, c'est un maudit têteux. Avec un autre sens, puis là, tu te dis, tu coupes. Mais là, ce qui arrive, c'est que tu as l'impression que c'est pas bon. Puis dans ta pensée, on s'arrange pour que tu veuilles tellement que ce soit bon, que finalement tu éteins tes autres sens. Parce que les autres sens, on ne fait pas confiance, on fait plus confiance à la pensée. Puis quand, moi, le plus bel exemple là, où je me remets à terre à toutes les fois, que quand je me couche, puis que ça pense dans ma tête, si, non, je me couche à terre des fois. Mais quand ça pense, quand j'essaie de dormir, puis que ça pense, là c'est clair que c'est pas moi qui pense. Mais dans le jour, quand je travaille, ou quand il y a des relations familiales, on y pense pas. On vit la pensée, on pose les gestes que la pensée nous dirige. Bon. On a l'impression que ça nous dérange moins, en tout cas. Ben, si on prend ce que tu dis là... Quand on se couche, on a vraiment l'impression que c'est pas nous autres. Bon, on prend ce que tu dis là qui est essentiel. Je dis souvent, moi, justement, quand vous vous couchez, ça pense dans votre tête, puis c'est pas vous autres qui pensez, c'est bien la preuve, parce que si ça serait vous autres, vous ne penserez pas, vous penseriez pas. En plus d'être capable de prendre conscience que ça pense, c'est toi qui prends conscience. Puis parce que tu prends conscience, tu as une expérience qui est immédiatement astralisée. Tu es capable de prendre conscience que tu as pris conscience. Mais c'est une photo que tu vois. Mais vous êtes là. Et là, tu touches, tu veux dormir, ça y va. Bling, bling, bling, bling, bling. Alors, comment pouvons-nous tolérer que le matin, en me levant, ça pense encore, puis subitement, je laisse descendre ça, puis je pense que c'est moi. Puis maintenant, c'est moi. Puis là, maintenant, je vis ce que j'ai à vivre. Puis le soir, quand je reviens me coucher, je pense encore que c'est moi. Je me détache lentement, je veux dormir. Puis là, lentement, la pensée semble s'éloigner, mais elle reste là. Puis j'ai de la misère à dormir parce qu'elle veut revenir, puis moi, je veux pas. Puis à un moment donné, quand je suis suffisamment déconnecté, bien là, je pars. Bien, c'est ça qu'il faudrait qu'on comprenne. Parce qu'effectivement, vous avez des pensées que vous n'aimez pas, c'est chez vous. Vous voulez simplement faire le vide, et ça ne veut pas. Il n'est pas question, parce que vous nourrissez, on nourrit l'astral. Alors effectivement, dans les sens, l'humain se lève, l'humain n'est pas de la pensée, puis progressivement, c'est pas long que l'humain est immédiatement de la pensée. Tu fais une petite méditation, une méditette, là, bien rapide, et puis, c'est réglé, tu te lèves, t'es doux, t'es calme, le téléphone sonne, c'est un vieux téléphone, tu sais, une amant cheveux, là, le téléphone sonne, brrr, là, tu grimpes au plafond, puis là, t'es toute défaite. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que subitement, tu étais relié à un autre monde astral ou détaché de la pensée, puis que tu étais relié à un plan supérieur dans l'astral, une illusion plus confortable. Et le téléphone, lui, il prend, puis il te rentre, plein, tu reviens dans la vie. Et les gens appellent ça terre à terre. C'est pas ça être terre à terre. La beauté, ça existe. L'esthétisme, ça existe. La vie éternelle, ça existe. Une vie sans maladie, ça existe. Sans vieillissement. Tout est là. Parce que terre à terre, souvent, ils se mettent à leur plus bas. Moi, ce qui m'étonne dans ça, c'est que souvent, les humains, quand ils utopisent un futur, c'est au lieu de penser qu'eux vont faire de la téléportation, donc ça, c'est un sens, il va avoir un appareil pour les téléporter. C'est comme l'enregistreuse, là, pour ouais. écouter la cassette. Il va tout le temps y avoir un appareil entre nous et ce qu'on veut. Bon, c'est extrêmement intéressant ce que tu amènes là. Effectivement, la majorité des individus qui vont utopiser, qui vont donc réincarner de l'avenir, ou les fouiller dans l'avenir, sont toujours mal pris et devront ajuster, rationaliser, en effectivement inventant des appareils qui vont suppléer. Oui, mais là, on en a quelques-uns, là, un Boeing, par exemple. On pourrait voler, mais on peut aussi prendre l'avion, puis c'est pas... Le déplacement, il se fait quand même. Je sais qu'on le matérialise dans un instrument, oui. mais si c'est probablement plus pratique physiquement de se déplacer à l'intérieur d'un cylindre en métal, d'un pays à l'autre, que d'y aller... Sauf que ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tu vas y aller avec ton corps physique de toute façon, mais tu vas être déjà là. Ça va être plus rapide. Ça, c'est un transport dans le temps? Oui, le transport dans l'espace-temps, donc dans la matière. Par exemple, tu prends un appareil pour guérir. Tu prends ta main, puis tu réussis. Et là, on va inventer des appareils. Tu prends un appareil pour augmenter l'acuité auditive. Et à un moment donné, ben tu sais. Mais là, effectivement, les films, les livres de science-fiction vont développer. L'humain aura peur, encore une fois, de ses sens. Il va donc développer des mécaniques. On a, par exemple, un film intéressant qui finit bizarre, là, mais que le départ, ça part bien, je ne me rappelle pas le titre, sur la réalité virtuelle. Bon. Ah oui, ça finit mal, oui. Ça finit con. Et puis, alors encore une fois, on a un instrument qui permet de vivre dans l'astral, qui amène l'humain à vivre des mécaniques astrales, parce que l'ego y croit plus facilement, parce que ses yeux et ses sens partent. Ça, mais par contre, ça médiocrise, ça retarde le moment. Oui, mais ce que je veux dire simplement, c'est qu'encore une fois, on prend un appareil pour créer quelque chose que souvent les individus vivent par leur sens. Mais tu parles que l'humain peut avoir peur. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent revirer contre l'humain là-dedans? Au niveau des sens? Oui, c'est déjà là. Ben, le voyage astral, entre autres, il se fait souvent changer la pensée. Ce soir, quand vous allez vous coucher, parce que plusieurs allaient vous coucher ce soir, il y en a qui travaillent de nuit, évidemment, mais vous allez vous coucher demain, essayez de penser à rien puis de dormir en 3 secondes, point 2. Et vous allez voir que vous allez juste vous dire, là, je dors en 3 secondes. Vous allez voir ça. Oh, ça, c'est dormir. Ouais, exactement comme là, je jeûne. Ouais, parfait, on s'occupe de toi. Mais tu le dis pas dans ce temps-là, tu sais. Il y a plusieurs hommes d'affaires qui se sont rendus compte que moi, ils parlent de leurs idées, moi, ils les communiquent, puis d'autres les font vers eux autres. Hein? Mais là, ce qui est important, c'est que tout à l'heure, je vous ai expliqué que les sens physiques passaient par le thalamus. Le thalamus était relié à l'âme. Dans l'âme, il y avait l'ego, puis par un paquet de processus, c'est ici que l'astral entre en communication. Il s'exprime par l'hypothalamus, le système endocrinien, entre autres, puisqu'il nous fait vivre corporellement les émotions pour nourrir le monde astral. La pensée, c'est la correspondance astrale du thalamus. Tu perçois télépathiquement, ça passe par la pensée. Alors, dans la pensée, ce qui manipule l'humain, va venir te dire, ça dit pas, écoute la petite, c'est pas bon. C'est pas ça que ça dit. Ça dit, hé maudit, ça c'est pas bon. Ça le dit de même. Et dans la pensée, nous autres, on pense qu'on vient de penser. Fait qu'on se croit, évidemment. Hein? On passe pour c'est fou, comme nous autres même. Alors, je suis télépathe. Dans la pensée, ici, on me fait croire que c'est un hasard, que c'est une coïncidence. Donc, je refuse ce sens-là. Je n'écoute plus. À un moment donné, je vais percevoir dans l'astral, dans mon sommeil ou dans ma vie, j'ai l'impression qu'ici... Ouais, tu as perçu des choses, mais là, dans la pensée, immédiatement, on vient te dire c'est pas correct. Et aussi, on sécrète des endorphines. Il y a un paquet de phénomènes qui vont être sécrétés par le système endocrinien pour annihiler corporellement ta capacité de percevoir. Dans certains cas, par hasard, disons par malheur pour l'astral, ça l'amplifie. Mais le pire, c'est que, et ça, l'expérience, vous avez déjà fait souvent, si on n'est pas capable de vous manipuler suffisamment pour vous obliger à rationaliser, c'est-à-dire à refuser l'évidence, si on n'est pas capable de vous empêcher de refuser l'évidence, l'astral s'arrange immédiatement pour au minimum vous faire agir. Vous allez en parler avec l'insécurité ou avec beaucoup. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut pour que quelqu'un d'autre, facilement manipulable, lui, pour rationaliser, puisse vous entendre. C'est lui qui, par sa parole, va maintenant plus puissamment que l'astral par vos oreilles et par sa respiration dans votre entourage, vous obligez à rationaliser. Donc, si j'ai vu un fantôme, il semble, dans ma chambre, et puis que toi, si je te rencontre, je t'en parle, parce que je ne suis pas capable d'être manipulé à dire, oui, non, ça devait être une illusion de plus jamais accrocher sur le bord de la porte. Si je ne suis pas capable, parce qu'il me semble que ça bougeait, ça s'est déplacé, je vais à un moment donné aller à mon travail, puis là, je vais dire, hey, crois-tu ça au fantôme, toi? C'est la personne qu'il fallait souvent pas. Puis elle va dire, ben voyons donc. Puis elle va commencer à faire la rationalisation que je n'ai pas été capable de faire. Après 2, 3, 4, 5 personnes qui me prennent, quoi, bref, je me dis, maintenant, je n'en parle plus, mais en même temps, je n'y crois plus. Puis progressivement, je me ferme. Évidemment, il y a des gens parmi vous ici, vous n'êtes pas fermés. Mais vous n'êtes pas encore capable, par contre, de supporter totalement ce qui est vu. Bon, j'ai vu un film hier, il y a un avion qui est rentré dans un édifice, puis c'est tout. Je l'ai vu. Je pense pas que dans mon monde, c'est réel. Ouais, mais je sais qu'au cinéma, c'est réel. Ben, c'est ça la distinction. Le danger, voilà, c'est de tout mêler. Ça. Mais à un moment donné, vous marchez, puis vous voyez une affaire particulière. C'est là aussi. Vous l'avez autant vu que le film. C'est aussi vrai que le film... Le film, ça peut avoir des incidences dans votre monde. Des films de violence peuvent engendrer de la violence dans le monde. Des films de paix peuvent engendrer la paix dans le monde. Dans l'astral, ce que j'ai vu peut avoir de l'incidence dans le monde ou dans ma vie. Mais ça ne veut pas dire que parce que je l'ai vu par un autre sens, que c'est nécessairement un phénomène que je dois suivre. Parce que quelqu'un... Dans un film, il y a un gars qui dit « Ceux qui ont des actions, vendez tout !» Tout le monde au cinéma, quoi? Le monde sont capables de discerner, c'est un film. Alors, dans l'instant, à un moment donné, hey, vos actions, vendez la toutes. La personne, elle se réveille, tabarnouche. C'est ça, là. C'est vrai. C'est peut-être en 1929. C'est peut-être ailleurs. C'est peut-être dans l'image d'un film dans l'astral. C'est peut-être. Bon. C'est peut-être une face qu'il faisait aussi. Oui. Mais il faut se lumer après de discerner. Tout ce qu'il y a, c'est que ce que je viens de percevoir est vrai. Ça ne veut pas dire que je vais m'en servir. C'est vrai. Mais l'avantage, c'est qu'il y a énormément de choses qui font partie de ce qui est vrai dans l'astral, qui manipulent l'humain. Plus on apprend à se servir de tous ces sens paranormaux, tu sais, pour les êtres paranormaux, donc à côté du normal, un peu comme la parapsychologie, tu sais, à côté de la psychologie. Bon. Ce qui est important de comprendre, c'est que ces sens-là sont des sens qui nous permettent de voir mieux le monde dans lequel on est. Il ne t'explique rien. Dans ce temps-là, il y a un de tes sens qui te permet de voir un personnage qui donne de l'intuition avec tes tarots pour connaître des choses. Tu ne prends pas ça à la lettre. Tu vois dans un monde majeur. C'est exactement comme si moi, par mes oreilles, je suis capable de te demander ton opinion sur telle affaire. Elle me la donne. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Elle me la donne. Bon, je prends l'astrologie, je prends ma radiesthésie, je prends mes tarots, je prends mes marques de thé, de café. Et mais ça me dit, ça me permet d'ouvrir un sens, de prendre de l'information. C'est comme ceux qui se refusent, c'est comme l'autruche, ils ont les yeux fermés. Je ne sais pas l'autruche, ils ont les yeux fermés. Dans tout cas, ça les a ouverts dans le sens. Ça va être dans le sens, en tout cas. Mais c'est parce que. Ça va être ouvert dans le sens, oui. Parce que ces humains-là vont se dire, c'est par peur, j'aime autant ne pas voir ça. Mais ça ne veut pas dire que s'ils ne voient pas un incendie, que s'ils ne perçoivent pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça, c'est un autre phénomène aussi. J'ai déjà été sorti avec quelqu'un qui s'appelait ça en train de pas au feu. Puis on lui disait, ça sortait, ça brûle en haut, ça brûle en bas. Ah, puis ceux pompiers vont venir. Et t'as touché un volet, elle sort ta peau. Plus qu'on la sorte. Bon. C'est un peu la même chose pour l'humain souvent. Effectivement, je préfère rien voir, je préfère rien savoir. Écoute, moi j'aimerais bien savoir qu'il y a une guerre qui s'en vient. Autrement qu'un jour, ça cogne à la porte, j'ouvre, c'est un russe qui me dit où les mains, tu sais. J'étais pas au courant. Bon. Ne pas savoir, ne pas vouloir voir, ça ne change rien à vos choses. Il y en a d'autres qui font dessus. Ah, oh, ben, va savoir. Et maintenant, tu vas savoir. Puis la réalité, elle devient plus complète. On peut se servir de tous ces outils-là, tous ces sens-là. On a plein de sens. Ce que vous vivez, ce que vous voyez, là, c'est tout vrai. Ça ne veut pas dire qu'on suit. Ça veut dire que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on a vu jusqu'à date, que ce qui a été photographié. Amusez-vous, vous avez une ouverture énorme à découvrir. Il y a beaucoup de choses drôles là-dedans. Il y a bien des bizarres. Bonne fin de semaine.